Dans ce contexte, les journalistes sont requis. Et la question de la liberté de la presse est essentielle. Je voudrais vous faire partager cela. Il n'y a pas 36 leviers pour essayer d'inventer le chemin d'espérance dans ces cas-là. Si c'est à nous de l'inventer. Ce n'est pas d'attendre un programme tout fait qui tombera d'en haut. Nous savons tous que la crise traverse aussi les formations politiques, le doute les traverse aussi, l'impuissance, c'est terrible, comment c'est compliqué et tout. Donc, il nous faut nous réapproprier cela. Il faut réinventer un âge démocratique qui ne soit pas cet âge un peu préhistorique où finalement la démocratie, ce serait « je choisis mes représentants et pour le reste, je suis spectateur ». C'est cela la tyrannie douce dont parlait Tocqueville, qui a été prolongée par un livre en Italie de Raffaele Simone, « Le monstre doux ». Le monstre doux. On nous divertit, on nous invite à la consommation, les grandes surfaces et tout, si on a, et si le portefeuille est plein. Et pour le reste, nous regardons le monstre doux faire les choses à notre place. Faire les choses à notre place. Il y a un mot pour cela, c'est la politique de la peur. Aux États-Unis, face à la présidence Bush, cette expression était utilisée, « politics of fear ». Au fond, cette idée, et on le voit, « ayez peur et je m'occupe du reste ». Peur de la dette, peur de la crise, peur de l'étranger, peur des Arabes, des musulmans en l'occurrence, peur du monde. Ayez peur, et je m'occupe du reste. Soyez pris dans votre peur, et moi je m'occupe du reste à votre place. Et donc, dans ce contexte-là, quel est le levier? Nous n'avons pas d'autre levier que la liberté. Non pas la peur de la liberté, mais le risque volontaire de la liberté. Plus nous défendrons l'extension des libertés, l'appui des libertés et d'une liberté qui nous permette d'agir, plus nous y arriverons. Et donc, la question fondamentale, c'est quelles bonnes conditions, quelles conditions démocratiques pour faire que nous ayons une vitalité de cette liberté de l'information, non pas de la liberté de la presse. L'information n'appartient pas à la presse, elle vous appartient. Le droit qui nous légitime, nous journalistes, est un droit des citoyens. Le droit de savoir des citoyens. Le droit à l'information des citoyens. Et ce droit à l'information, il est important, lui aussi, de le définir. Au fond, quand vous lisez les journalistes, que vous écoutez les journalistes, que vous regardez les journalistes selon leurs médias, vous avez tous, moi compris, nous avons tous, un jugement en fonction de nos convictions, de nos sensibilités, de nos préjugés. Nous en avons tous. Nous avons tous une petite grille de lecture qui peut bouger, changer, mais qui nous accompagne. Mais le vrai enjeu n'est pas celui-là. Et là, je voudrais insister là-dessus. Une philosophe, Hannah Arendt, qui a écrit un grand livre qui s'appelle « Les origines du totalitarisme », qui est le livre un peu sur les catastrophes du XXe siècle, ce surgissement de la barbarie au cœur de la culture et de la civilisation en Europe, a fait en 1967 un texte que je tiens pour le manifeste philosophique du journalisme. C'est un texte qui s'intitule « Vérité et politique ». Elle explique la chose suivante. Elle dit, il y a, avec des petits V, hein, ce ne sont pas des vérités révélées, il y a deux sortes de vérités. Il y a les vérités d'opinion, qu'elle appelle d'ailleurs « vérité de raison », tout en disant que c'est un faux ami, qu'elles peuvent être parfois déraisonnables. Ces vérités d'opinion, de jugement, de préjugés, de convictions, de raisonnement, de croyances, d'appartenance, d'identité, le cerveau humain en produira toujours des milliers. Elles ne sont pas menacées. Il y en aura des pertinentes, il y en aura des folles. Il y en aura des utiles, des raisonnables, et il y en aura des abracadabrantes et déraisonnables. En revanche, dit-elle, dans notre monde moderne, sans dictature, dans notre monde moderne d'une société du spectacle, de l'amusement, du divertissement apparent, de la diversion, des choses d'intérêt public, occupons-nous d'autres choses, laissons les oligarques faire. Eh bien, dans ce monde-là, ce sont les autres vérités qui sont menacées et qu'elle appelle les vérités de fait. Pour qu'il y ait un monde commun, dit-elle, il faut qu'il y ait des vérités de fait. Et au passage, on retrouve là l'enjeu commun des chercheurs et des journalistes. des sociologues pour la sociologie du présent, des journalistes pour l'actualité, des historiens par rapport au passé, des vérités de fait. Parce que, dit-elle, si nous nous habituons à un monde où il n'y a que mon opinion contre la tienne, ma conviction contre ta conviction, ma croyance contre ta croyance, mon préjugé contre tes préjugés, ma religion contre ta religion, ma communauté contre ta communauté, mon identité contre ton identité, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, c'est un monde de la guerre de tous contre tous. Pour qu'il y ait un monde commun, c'est-à-dire cet idéal démocratique, il faut qu'au milieu de cette discussion d'opinion, de cette conversation d'opinion, il y ait la production de vérité de fait. Il faut que nous créions ces conditions de la vérité de fait. Et Hannah Arendt disait, c'est pour cela que le travail des journalistes est décisif. C'est-à-dire ce travail des journalistes comme enjeu, comme décisif pour les journalistes eux-mêmes, de produire des vérités de fait, de donner au public les moyens de juger, d'échapper à la déréalisation, à la fiction politique. D'où le fait que, dans son esprit, le journaliste, c'est pas d'abord un commentateur, c'est pas d'abord un éditorialiste, c'est pas d'abord quelqu'un qui va dire au public ce qu'il doit penser. C'est d'abord quelqu'un qui cherche des faits. C'est quelqu'un qui fait de l'enquête et qui trouve des faits qu'il met sur la table et qui font réfléchir, qui crée une conversation, y compris entre gens qui n'étaient pas d'accord. Ah bon ? Ah ben j'aurais pas cru. Ah ben alors c'est vraiment comme ça ? Et tout d'un coup, il se passe quelque chose qui nous fait bouger, qui nous fait y compris bouger de nos préjugés. Ah ! Ah bon ? Chez les Bettencourt, c'est comme ça ? Ah bon ? Ah oui ? Leur monde, c'est comme ça. Ah ben, on peut frauder à ce point. Ah oui, et financer, et avoir tant de comptes en Suisse. Et puis, on a un problème, un conflit entre la mère et la fille. On appelle le président de la République, il fait changer d'avis la justice. C'est aussi simple que ça. Dans leur monde, ça se passe comme ça. L'effet de réalité de l'affaire Bettencourt, c'est cela. Ah bon, on nous parle des paradis fiscaux. Ah bon, dans les ventes d'armes, c'est cela. Les intermédiaires qui se font des fortunes avec l'argent public et qui ne payent pas un centime d'impôt, M. Takedine, ce que nous avons révélé cet été. C'est ça, là, la réalité de ce monde, l'envers de ce monde qui prétend nous dire ce que nous devons faire, nous dire que nous devons faire des sacrifices. Comment ne pas comprendre que cette réalité-là fait bouger du monde, y compris chez beaucoup de gens qui, majoritairement, ont voté pour le pouvoir actuel ? Et s'interrogent, et se posent des questions légitimes, et puis se disent « mais il faudrait que la politique se soit un peu autrement, il faudrait qu'on contrôle ça un peu autrement ». Donc, mettre ces faits sur la table, l'enquête, le reportage, j'ai été voir, je vous raconte ce que vous ne vous attendiez pas à voir, l'analyse, je mets en perspective, je vous explique, je ne suis pas dans le flux, dans l'immédiateté, je vous explique la complexité. Je n'isole pas une pièce du puzzle, je vous montre toutes les pièces. Voilà l'enjeu de ce métier. Voilà la responsabilité du journalisme en démocratie. Voilà cet enjeu qui est au cœur d'un défi que nous allons vivre dans la campagne électorale à venir. Je me souviens toujours de cette formule qu'il y avait dans ce livre de la dramaturge Yasmina Reza, qui avait accompagné la campagne très dynamique de Nicolas Sarkozy en 2007 et qui en avait fait un livre, L'aube, le jour et la nuit. Dans ce livre, l'un des conseillers de Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui dans la télévision TF1, chez M. Bouygues, qui est M. Laurent Soli, lui dit à un moment « Tu sais, Yasmina, la réalité n'a aucune importance ». Seule la perception compte. Cette phrase n'est pas seulement une déclaration de guerre au journalisme, dont normalement la réalité est l'enjeu, et non pas la perception. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Quelle promesse a été faite et qui a été trompée ? Quel engagement ? Et ainsi de suite. Ce n'est pas seulement ça. C'est une déclaration de guerre à la démocratie. Parce que la démocratie, c'est justement ne pas être dans cette fiction uniquement des perceptions. C'est construire des conduites rationnelles à partir de ces renseignements nets et sûrs. Je vais vous faire peur. Je vais vous faire peur pour vous donner envie de comprendre que ce n'est pas un enjeu corporatiste, ce pourquoi je plaide là. C'est votre affaire. C'est votre affaire. Vous savez, en 1940, il y a eu donc cet effondrement de notre pays, de la majorité de ses élites économiques, politiques, culturelles, intellectuelles. Et dans ce moment-là, un notable, professeur agrégé des universités, historien très réputé, ayant fondé l'école des Annales, Marc Bloch, voyant cet effondrement qui est celui de son monde, c'est un patriote, ce n'est certainement pas un excessif, certainement pas un révolté, c'est un audacieux intellectuellement, mais un patriote. Et il voit ce monde qui s'effondre. Et pendant le mois d'août 40, après donc le vote des pouvoirs spéciaux à Pétain, la fin de la République honteuse, qui se traduit, je le rappelle, d'abord par des déchéances de nationalité, par un tri entre Français. C'est une alerte qu'on ne doit jamais oublier quand on commence à faire dans le discours public des hiérarchies entre Français, selon l'origine, selon la position. Et Marc Bloch écrit un livre qui s'appelle « Une étrange défaite », « L'étrange défaite », qui ne paraîtra qu'après sa mort, puisque Marc Bloch, vous le savez, refusant toutes les propositions d'exil, il était juif, il était persécuté, évidemment, mais il était en même temps très connu, il avait les moyens de partir aux États-Unis. Il refusera et il sera résistant comme on l'était à 20 ans, ce n'était pas de son âge, il avait plus de 55 ans, résistant réellement, et physiquement, j'allais dire, et il mourra fusillé après avoir été torturé par Klaus Barbie début 44 à Lyon. Et donc, ce martyr, ce patriote, ce résistant, dans l'étrange défaite, dans la troisième partie, avec des précautions, il dit « Moi, je suis un patriote, je n'ai pas envie de dire du mal de mon pays, mais je vais être obligé parce que, quand même, qu'est-ce qui nous est arrivé là ?» Et là, voilà ce qu'il dit. Il en vient à la presse. Il en vient à essayer de comprendre, mais comment l'effondrement a-t-il pu avoir lieu ? Écoutez, n'avions-nous pas, en tant que nation, trop pris l'habitude de nous contenter de connaissances incomplètes et d'idées insuffisamment lucides. Notre régime de gouvernement se fondait sur la participation des masses. Le n'importe qui dont je parlais tout à l'heure. Or, ce peuple auquel on remettait ainsi ses propres destinées et qui n'était pas, je crois, incapable en lui-même de choisir les voies droites. Il n'est pas du côté des oligarques, lui. Il pense que le peuple a son expérience, a sa jugeote et que si on lui donne les moyens de savoir, il peut savoir. Et donc ce peuple qui n'était pas, je crois, incapable en lui-même de choisir les voies droites, qu'avons-nous fait pour lui fournir ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lesquels aucune conduite rationnelle n'est possible ? Rien en vérité. Telle fut certainement la grande faiblesse de notre système prétendument démocratique, tel le pire crime de nos prétendus démocrates. Une fois la catastrophe passée, Marc Bloch, qui devait, comme vous, penser pas mal de mal des journalistes, penser qu'ils ne sont pas au rendez-vous de tous ces idéaux que je viens de citer, se dit « mais c'était quand même ça le problème, c'est là qu'il fallait s'occuper, faire qu'il y ait ce minimum de renseignements net et sûr ». Alors comment faire ?